Chapitre 264. L'interdiction de maudire quelqu'un en particulier ou une bête. 1551. Selon Abu Zayd, Thabit ibn Dahak al-Ansari, l'un de ceux qui prêtèrent serment au prophète alayhi salatu wassalam lors de l'allégeance de Ridwan, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: celui qui jure de prendre une religion autre que l'islam, si telle chose est fausse ou s'il fait telle chose, n'est effectivement plus musulman si telle est son intention et si son serment était mensonger. Celui qui se suicide par un moyen quelconque sera torturé par ce moyen le jour de la résurrection. L'homme n'est pas tenu par un vœu concernant ce qu'il ne maîtrise pas, et maudire un croyant revient à l'assassiner. Al-Bukhari et Muslim. 1552. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il ne convient pas à un homme véridique de maudire les autres. Muslim. 1553. Selon Abu Darda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: ceux qui maudissent les autres ne pourront ni intercéder, ni faire partie des martyrs le jour de la résurrection. Muslim. 1554. Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: ne vous maudissez pas les uns les autres en appelant sur les gens la malédiction d'Allah ou son courroux, ou bien en leur souhaitant l'enfer. Abu Daoud et At-Tirmidhi qui ont dit: Hadith Hassan Sahih. 1555. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le vrai croyant ne critique et ne maudit pas les autres, et il n'est ni indécent ni grossier. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 1556. Selon Abu Darda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque le serviteur d'Allah maudit quelqu'un ou quelque chose, sa malédiction monte au ciel. Les portes du ciel se referment alors devant elle. Puis elle redescend sur terre où les portes se referment également devant elle. Elle tourne alors à droite et à gauche, puis si elle ne trouve pas d'issue, elle revient à la personne ou la chose qui a été maudite. Si elle mérite cette malédiction, celle-ci s'applique à elle. Sinon, elle retombe sur celui qui l'a lancée. Abu Daoud. 1557. Imran ibn al-Husayn, r.a. rapporte: alors que nous nous trouvions en voyage avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, une femme parmi les Ansar, harassée par les mouvements de la chamelle qu'elle montait, se mit à la maudire. L'ayant entendu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ordonna aux compagnons: déchargez-la et abandonnez-la, car elle est maudite. Imran ajouta: c'est comme si je voyais encore la chamelle avançant au milieu des gens sans que personne n'ose s'approcher d'elle. Muslim. 1558. Abu Barza Nadla ibn Ubayd al-Aslami, radiyallahu anhu, a dit: tandis qu'une jeune femme se trouvait sur une chamelle transportant également certains bagages, elle aperçut le prophète, alayhi salatu wassalam, mais le sentier de montagne devint trop étroit pour la caravane. La jeune femme s'exclama alors à l'intention de la chamelle: « Allez !» avant d'ajouter: « Oh Allah, maudis-la !» Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit alors: « Une chamelle qui a été maudite ne peut nous accompagner. » Muslim. Ce hadith, dont la signification a pu échapper à certains, est en réalité simple à comprendre. L'interdiction concerne le fait pour cette chamelle d'accompagner ce groupe, et non d'être, par exemple, vendue, égorgée, ou même montée en l'absence du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout ceci était autorisé avant cet épisode, et le reste donc après, sauf ce qui était explicitement interdit. Mais certes, Allah est le plus savant.